oui, et même le dire, pas pour entendre protester les amis, mais pour adapter sa vie et s'interdire tout ce qui hier encore nous était permis. Avec sincérité, dès que l'aube se lève, se persuader qu'on est plus vieux d'un jour. À chaque cheveu blanc, se séparer d'un rêve et lui dire tout bas un adieu sans retour. Solide savoir, avec bonté, avec douceur, aimer les jeunes, car ils sont l'avenir, car ils sont l'espoir. Accepter de rester sur le rivage, tandis qu'ils vogueront sur les flots hasardeux. Et renoncer à faire partie du voyage, ne plus quitter le port, tout en veillant sur eux. Vieillir, c'est ça, vieillir.